Les tourneboules et l'idiot. Les vacances étaient bien avancées. Un grand mois s'était écoulé depuis l'arrivée des cousins. Mais les enfants avaient encore 3 semaines devant eux et ils ne s'attristaient pas si longtemps d'avance à la pensée de la séparation. Léon s'améliorait de jour en jour. Non seulement il cherchait à vaincre son caractère envieux, emporté et moqueur, mais il essayait encore de se donner du courage. Son nouvel ami Paul avait gagné sa confiance par sa franche bonté et son indulgence. Il avait osé lui avouer sa poltronnerie. « Ce n'est pas ma faute, lui dit-il tristement. Mon premier mouvement est d'avoir peur et d'éviter le danger. Je ne peux pas m'en empêcher. Je t'assure, Paul, que bien des fois j'en ai été honteux, au point d'en pleurer en cachette. Je me suis dit 100 fois qu'à la prochaine occasion je serais brave. Pour tâcher de le devenir, je me faisais brave en parole. J'ai beau faire, je sens que je suis et serai toujours poltron. » Il avait l'air si triste et si honteux en faisant cet aveu que Paul en fut touché. « Mon pauvre ami, lui dit-il, il appuya sur « ami ». Je trouve au contraire qu'il faut un grand courage pour dire, même à un ami, ce que tu viens de me confier. Au fond, tu es tout aussi brave que moi. » Léon relève la tête avec surprise. « Seulement, tu n'as pas eu occasion d'exercer ton courage avec prudence. Tu es entouré de cousines et d'amis plus jeunes que toi. Tu t'es trouvé dans des moments de danger, plus ou moins grands, avec la certitude que tu n'avais ni la force, ni les moyens de t'en préserver. Alors tu as tout naturellement pris l'habitude de fuir le danger et de croire que tu ne peux pas faire autrement. » Léon. « Mais pourtant, Paul, toi, je te vois courir en avant dans bien des occasions où je me serais sauvé. » Paul. « Moi, c'est autre chose. J'ai passé 5 années entouré de dangers, avec l'homme le plus courageux, le plus déterminé que je connaisse. Il m'a habitué à ne rien craindre. Mais moi-même, que tu cites comme exemple, c'est par habitude que je suis courageux. Et cette habitude, je l'ai prise, parce que je me sentais toujours en sûreté sous la protection de mon père. Marchons ensemble à la première occasion, et tu verras que tu feras tout comme moi. » « J'en doute, reprit Léon. En tout cas, je tâcherai. Je te remercie de m'avoir remonté dans ma propre estime. J'étais honteux de moi-même. » « À l'avenir, tu seras content, tu verras, » dit Paul en lui serrant affectueusement la main. Léon rentra tout joyeux pour travailler. Paul monta chez M. de Rosbourg, qui lui dit en souriant « Ton visage est rayonnant, mon bon ami. Quelle bonne nouvelle m'apportes-tu » Paul. « Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais une bonne action que je vous apporte, mon père. » Et il lui raconta ce qui venait de se passer entre lui et Léon. « Monsieur de Rosbourg, tu as été aussi bon qu'ingénieux, mon fils. Je ne sais si Léon est bien persuadé que le courage dort en lui et que le réveil du lion est proche, mais tu as toujours réussi à lui faire espérer ton estime et la mienne. Je sais qu'il y tient. C'est un grand point de gagner. Mais comment feras-tu pour l'empêcher d'être un fichu poltron? Car entre nous, il l'est, tu le vois bien toi-même. » Paul. « Il l'est, mon père, mais il ne le sera plus. Son amour-propre est excité maintenant. Et puis j'arriverai à lui faire comprendre qu'il est plus sûr d'aller au-devant du danger que de le fuir. » Monsieur de Rosbourg. « Comment lui feras-tu avaler ce raisonnement ? » Paul. « En lui prouvant que le courage impose non seulement aux hommes, mais aux bêtes, et les fait fuir au lieu d'attaquer. » Monsieur de Rosbourg. « Tu me rendras compte de ta première expérience, mon ami. Et puisque tu es là, causons donc ensemble de ton avenir. Y as-tu pensé ? » Paul. « Non, mon père, je vous en ai laissé le soin. Je sais que vous arrangerez tout pour mon plus grand bien. » Monsieur de Rosbourg attira Paul vers lui et le baisa au front. « Monsieur de Rosbourg. « J'y ai pensé, moi, et j'ai arrangé ta vie de manière à ne pas la séparer de la mienne. » Paul, s'écriant et sautant de joie, « Merci, merci, mon père, mon bon père. Que vous êtes bon, je vais aller le dire à Marguerite. » Monsieur de Rosbourg, riant, « Mais attends donc, Nigaud, que lui diras-tu? Tu ne sais rien encore. » Paul, « Je sais tout, puisque je sais que je resterai toujours près de vous, près de ma mère, de Marguerite. » Monsieur de Rosbourg, « Tiens, tiens, comme tu as vite arrangé cela, toi et ma carrière. La marine, qu'en fais-tu ? » Paul, étonné. « Votre carrière ? Est-ce que... Est-ce que vous retourneriez encore en mer ? Monsieur de Rosbourg. Et si j'y retournais ? Est-ce que tu ne m'y suivrais pas ? Ou bien aimerais-tu mieux achever ton éducation ici, avec ta mère et ta sœur ? Avec vous, mon père, avec vous, partout et toujours ! S'écria Paul en se jetant dans les bras de Monsieur de Rosbourg. J'en étais bien sûr, dit Monsieur de Rosbourg en le serrant contre son cœur et en l'embrassant. Tu serais aussi malheureux séparé de moi que je le serais de ne plus t'avoir, mon fils, mon compagnon d'exil et de souffrance. Mais sois tranquille. Quand je m'y mets, les choses s'arrangent mieux que cela. Voici ce que j'ai décidé. J'envoie ma démission au ministre. Nous vivrons tous ensemble. Tu n'auras d'autre maître, d'autre ami que moi, et nous emploierons nos heures de loisir à améliorer l'état de nos bons villageois et la culture de nos fermes. Vie de propriétaire normand. Nous élèverons des chevaux, nous cultiverons nos terres, et nous ferons du bien en nous amusant, en nous instruisant et en améliorant tout autour de nous. Paul était si heureux de ce projet qu'il ne put d'abord autrement exprimer sa joie qu'en serrant et baisant les mains de son père. Il demanda la permission de l'aller annoncer à Madame de Rosbourg et à Marguerite. Monsieur de Rosbourg, ma femme le sait. Je pense tout haut avec elle. C'est à nous deux que nous avons arrangé notre vie. Mais nous avons voulu te laisser le plaisir d'annoncer cette heureuse nouvelle à ma petite Marguerite. Va, mon ami, et reviens ensuite. Nous avons bien des choses à régler pour l'emploi de nos journées. Paul partit comme une flèche, il courut aux cabanes. Il y trouva Marguerite qui lisait avec Sophie et Jacques. Paul. Marguerite, Marguerite, nous restons. Je ne te quitterai jamais. Mon père ne s'en ira plus. Nous travaillerons ensemble. Nous aurons une ferme. Nous serons si heureux, que nous rendrons heureux tous ceux qui nous entoureront. Ah, ça, tu es fou, dit Sophie en se dégageant des bras de Paul, qui, après Marguerite, l'étouffait à force de l'embrasser. Qu'est-ce que tu nous racontes de travail, de ferme, de je ne sais quoi ? Oh, moi, je comprends, dit doucement Marguerite en rendant à Paul ses baisers. Papa ne sera plus marin. Lui et Paul resteront toujours avec nous. C'est papa qui sera notre maître. C'est cela, n'est-ce pas, Paul ? Paul. Oui, oui, ton cœur a deviné, ma petite sœur chérie. Et moi donc, qu'est-ce que je deviens dans tout cela ? Demanda Sophie. C'est joli, monsieur, de m'oublier dans un pareil moment. Paul. Tiens, je peux bien t'avoir oublié un instant. « Toi qui m'as oublié pendant 5 ans. » Sophie. « Oh, mais moi j'étais petite. » Paul. « Et moi je suis grand. Voilà pourquoi je comprends le bonheur de vivre près de mon père et d'être élevé par lui. » Marguerite. « Mais pourquoi donc nous quitterais-tu, Sophie ? Nous vivrons tous ensemble, comme avant. » Sophie. « Je crois que c'est impossible. Ton père voudra être chez lui. » Marguerite. « Eh bien, nous t'emmènerons. » Sophie. « C'est impossible. Je gênerai là-bas. Je ne gêne pas ici. Monsieur de Fleurville est pour moi ce que ton papa est pour Paul. Camille et Madeleine sont pour moi ce que tu es pour Paul. Je resterai. » Jacques. « Et moi, je suis donc un rien du tout, qu'on ne me regarde seulement pas. » Paul. « Tu es, mon cher petit ami, un ancien ami de Marguerite. Je te connais assez pour savoir que tu seras toujours le mien. Mais toi, Jacques, tu vis avec ton papa et ta maman qui t'aiment. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir sur ton bonheur, et je suis sûr que tu partages le mien. » Jacques. « Oh oui, j'ai le cœur content comme si c'était pour moi. Je sais que je te verrai autant que si vous restiez tous ensemble. Ainsi, moi, je n'ai qu'à me réjouir. » Marguerite embrassa Jacques et courut bien vite chez son papa, auquel elle témoigna sa joie avec une tendresse dont il fut profondément touché. Pendant ce temps, Paul avait couru embrasser et remercier Madame de Rosbourg, qu'il trouva aussi heureuse qu'il l'était lui-même. Elle lui dit qu'il venait d'acheter un château et une terre magnifique qui n'était qu'à une lieue de Fleurville, et qui appartenait à des voisins qu'on ne voyait jamais, tant ils étaient ridicules, fiers et communs. Qu'après les vacances, ils iraient s'établir dans ce château, que Sophie resterait chez Madame de Fleurville, et qu'au reste, Monsieur de Rosbourg achèterait à Paris un hôtel où ils logeraient tous ensemble pendant l'hiver. Paul en fut content pour Sophie et pour Marguerite qui, de cette manière, quitterait le moins possible ses amis. Peu de temps après, on vit arriver une voiture élégante. Les enfants se mirent aux fenêtres et virent, avec surprise, descendre de voiture d'abord un gros petit monsieur d'une cinquantaine d'années, puis une dame magnifiquement vêtue, et enfin une petite fille de 12 ans environ, habillée comme pour aller au bal, robe de gaze à volants et rubans, fleurs dans les cheveux, le cou et les bras nus et couverts de colliers et de bracelets. Les enfants se regardèrent avec stupéfaction. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » s'écria Paul. « Je n'ai jamais vu ces figures-là, » dit Camille. « C'est peut-être les ridicules voisins du château vendu, » dit Madeleine. « Comment s'appellent ces originaux ? » dit Jean. « Ce doivent être les Tourneboules, » dit Sophie. « Ceux qui ont vendu leur château à papa ?» demanda Marguerite. « Camille, ton papa a acheté leur château ?» Marguerite. « Oui, il vient de me le dire. » Madeleine. « Mais que viennent-ils faire ici ?» Jean. « Faire connaissance en même temps qu'ils font leurs adieux, probablement. » Léon. « On n'a jamais voulu les recevoir ici. Ils sont fiers, sots et méchants. » Jean. « C'est pour cela qu'ils viennent sans être priés. Quittant le pays, ils sont toujours sûrs d'être bien reçus. On dit que le père a été marmiton. » Paul. « Que la toilette de cette petite est ridicule. » Camille. « Descendons pour la recevoir. Il le faut bien. » Madeleine. « Comme c'est assommant. » Paul. « Nous irons tous avec vous. De cette façon, ce sera moins ennuyeux. » Camille. « Merci, Paul. J'accepte. Avec plaisir. » Jean. « Quelle foule nous allons faire. La pauvre fille ne saura auquel entendre. Entrons et défilons deux à deux, comme pour une princesse. » Et tous les enfants, étant convenus de faire des révérences solennelles, firent leur entrée au salon, marchant deux à deux. C'était une petite malice à l'intention des toilettes de la mère et de la fille. Camille et Léon, se donnant la main, avancèrent, saluèrent et allèrent se ranger pour laisser passer Madeleine et Paul, qui en firent autant. Ensuite, Sophie et Jean, auxquels succédèrent Marguerite et Jacques. Monsieur de Rosbourg regardait d'un air surpris tous les enfants défiler et saluer. Il sourit au premier couple, rit au second, se mordit les lèvres au troisième, et se sauva pour rire à l'aise au quatrième. Mademoiselle Yolande Tourneboule parut ravie de cet accueil solennel. Elle crut avoir inspiré le respect et la crainte, et rendit les saluts par des révérences de théâtre, accompagnées d'un geste protecteur de la main. Elle traversa ensuite le salon et alla se placer devant les enfants qui s'étaient groupés au fond. « Je suis très satisfaite, messieurs et mesdemoiselles, » dit-elle, « de vous connaître avant de quitter le pays. J'espère que vous viendrez me voir à Paris, à l'hôtel Tourneboule, qui est à mon père et qui est un des plus beaux hôtels de Paris. Je vous ferai inviter aux soirées et aux bals que ma mère compte y donner. Et même, pour ne vous laisser aucune inquiétude à ce sujet, je vous engage, monsieur, » s'adressant à Paul, « pour la première valse. Et vous, monsieur, » s'adressant à Jean, « pour la première polka. Et vous, » s'adressant à Léon, « pour la première contredanse. » Paul. « Je suis désolé, mademoiselle, de ne pouvoir accepter cet honneur, mais je ne valse pas. Je ne connais que la danse des sauvages, qui ne vous serait peut-être pas agréable à danser. » Jean. « Moi aussi, mademoiselle, de même que mon ami Paul, je suis désolé de refuser polka et bal, mais, en fait d'exercice de ce genre, je ne sais que battre la semelle, et je n'oserais vous proposer ce passe-temps agréable, mais peu gracieux. » Léon. « J'accepterai bien volontiers votre contredanse, mademoiselle, mais je serai au collège au moment où vous la danserez, les ronflements de mes camarades remplaçant la musique de votre orchestre. » « Alors, messieurs, » dit mademoiselle Yolande d'un air hautain, « je retire mes invitations. » Paul. « Vous êtes mille fois trop bonne, mademoiselle. » Jean. « Veuillez croire à ma reconnaissance, mademoiselle. » Léon. « Vous me voyez confus de vos bontés, mademoiselle. » « c'est bien, messieurs, » dit mademoiselle Yolande avec un sourire gracieux. « Je verrai à vous recevoir autrement qu'au bal. Mesdemoiselles de Fleurville, on m'a parlé de charmants chalets que vous avez fait construire. Ne pourrais-je les voir ?» Marguerite. « Vous voulez dire les cabanes que nous avons faites nous-mêmes avec nos cousins et nos amis. Paul nous a fait une jolie hutte de sauvages. » « Qui est cette petite ?» dit mademoiselle Yolande d'un air dédaigneux. Paul, avec indignation. « Cette petite est mademoiselle Marguerite de Rosbourg, ma sœur et mon amie. Mademoiselle Yolande. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, Rosebourg? Paul, vivement. Quand on parle de monsieur de Rosebourg, on en parle avec respect, mademoiselle. Monsieur de Rosebourg est un brave capitaine de vaisseau, et personne n'en parlera légèrement devant moi. Entendez-vous, mademoiselle Tournebroche? Mademoiselle Yolande, avec dignité. Tourneboule, monsieur. Paul, Tourneboule, Tournebroche, c'est tout un. Laissez-nous tranquilles avec vos airs. Paul, dit monsieur de Rosebourg qui s'était approché, tu oublies que mademoiselle est en visite ici. Paul, eh, mon père, c'est mademoiselle qui oublie qu'elle est en visite chez nous et qu'elle n'a pas le droit de faire l'impertinente, ni la princesse. Je ne lui permettrai jamais de parler de vous comme elle l'a fait. Monsieur de Rosebourg, mon pauvre enfant, que nous importe? Sait-elle ce qu'elle dit seulement? Voyons, au lieu de rester au salon, allez tous vous promener. La connaissance se fera mieux dehors que dedans. Camille et Madeleine proposèrent avec empressement à mademoiselle Yolande d'aller voir leur petit jardin. Elle y consentit. Mademoiselle Yolande. Le chemin est-il bon pour y arriver? Mes brodequins de satin rose ne supportent pas les pierres. Camille. Le chemin est sablé et très beau, mademoiselle. Mais si vous craignez pour vos brodequins... Mademoiselle Yolande. Ce ne sont pas mes brodequins que je ménage, j'en ai 50 autres paires à la maison. C'est pour mes pieds que je crains les inégalités du terrain. Madeleine. Vous pouvez être tranquille alors, mademoiselle. Il y a du sable partout. On se mit en route. Mademoiselle Yolande marchait majestueusement, poussant de temps en temps un cri lorsqu'elle posait le pied sur une pierre, ou quand elle apercevait soit une grenouille, soit un ver, ou d'autres insectes tout aussi innocents. Voyant que ces cris n'attiraient l'attention de personne, elle ne pensa plus à faire l'effrayer, et l'on arriva au jardin. « Ce ne sont pas des chalets, » dit-elle avec dédain en regardant la cabane. Camille, « Ce ne sont que des maisonnettes, bâties par nous-mêmes, comme vous l'a dit Marguerite. » Mademoiselle Yolande, « Vous vous êtes donné la peine de faire vous-même un aussi sale ouvrage. Chez mon père, j'ai des ouvriers qui font tout ce que je leur commande. » Madeleine, « C'est pour nous amuser que nous les avons bâties, et nous les aimons beaucoup plus que si on nous les avait faites. » Mademoiselle Yolande, « Peut-on y entrer ?» Camille, « Certainement, voici la mienne, et celle de Madeleine et de Léon. » Madeleine, « Voici celle de Sophie et de Jean, et voici enfin celle de Paul, de Marguerite et de Jacques. » Mademoiselle Yolande, « Quelle horreur de meubles! Ah, Dieu, comment supportez-vous cela? J'aurais tout jeté au feu si on m'avait donné une pareille friperie. » Marguerite, « Nous qui ne sommes pas des tourneboules, nous nous trouvons bien ici, dans notre hutte de sauvages. » Mademoiselle Yolande, « Ah, c'est une hutte de sauvages. Comment avez-vous eu ce bel échantillon d'architecture ? » Marguerite, « C'est Paul qui l'a bâti. Il a été 5 ans chez des sauvages. » Mademoiselle Yolande, avec dédain, « On le voit bien. » Marguerite, « Est-ce parce qu'il a refusé vos bals et vos valses ? » Mademoiselle Yolande, « Parce qu'il ne sait pas les usages du monde. » Marguerite, « Cela dépend de quel monde, mademoiselle. Si c'est du vôtre, c'est possible. Aucun de nous n'y a jamais été. Mais si c'est du monde poli, bien élevé, comme il faut, il en connaît les usages, aussi bien que mes amis, leurs parents et les nôtres. » Mademoiselle Yolande, « Mademoiselle, Marguerite, je crois, sachez que les tourneboules sont nobles et puissants seigneurs, et que leurs armes, Marguerite, sont un tournebroche, nous le savons bien. » Mademoiselle Yolande, « Mademoiselle, vous êtes une petite insolente. » « Pas un mot de plus, » cria Paul d'une voix impérieuse. « Silence, ou je vous ramène à vos parents de gré ou de force. Viens, petite sœur, » ajouta-t-il d'une voix calme, « laissons cette petite qui veut faire la grande. Viens avec moi, avec Sophie. Et avec qui encore ? » dit-il en se retournant vers les autres. Jean et Jacques répondirent ensemble « Et avec nous !» Léon fit signe qu'il restait pour protéger ses pauvres cousines Camille et Madeleine, obligées par politesse de rester près de mademoiselle Yolande. Elle leur parla tout le temps des richesses de son père, de sa puissance, de ses nobles relations. À Paris, il ne voyait que des ducs, des princes, des marquis, et par condescendance, quelques comtes d'illustres familles. Elle parla de ses toilettes, de ses dépenses. « Papa me donne tout ce que je veux, » dit-elle. « J'ai déjà des parures de diamants, de perles et de rubis. La toilette que vous me voyez n'est rien auprès de celle que j'ai à Paris. J'ai plus de 50 robes et coiffures de bal, autant de robes de dîners et de visites. Maman a tous les jours une robe neuve. Elle dépense 50 000 francs par an pour sa toilette. 50 000 francs ? S'écria Camille. Mais combien donne-t-elle donc aux pauvres alors ? Aux pauvres ! Ah ah ah ! Aux pauvres ! En voilà une drôle d'idée ! Répondit Mademoiselle Yolande, riant aux éclats. Comme si on donnait aux pauvres. Mais les pauvres n'ont besoin ni de robes, ni de diamants. Puisqu'ils sont pauvres, c'est qu'ils n'ont besoin de rien. Leur haillon et une vieille croûte, c'est tout ce qu'il leur faut, Camille. Mais encore faut-il le leur donner, mademoiselle. Pendant que vous avez 50 robes inutiles, il y a près de chez vous de pauvres familles qui sont nues. Pendant que vous avez 10 plats à votre dîner, ces mêmes pauvres n'ont pas seulement la croûte de pain dont vous parliez tout à l'heure, mademoiselle Yolande. Laissez donc, ce sont de mauvais sujets, des paresseux, ils n'ont besoin de rien. Madeleine. Camille, je ne veux pas entendre cela, c'est trop fort. Je vais rejoindre nos amis. Léon. Va, Madeleine, je reste avec la pauvre Camille. Mademoiselle Yolande. Pauvre ! Vous la trouvez donc bien malheureuse de rester avec moi, monsieur ? Pourquoi y restez-vous, vous-même ? Léon. Ce n'est pas avec vous que je reste, mademoiselle. C'est avec la pauvre Camille. Mademoiselle Yolande. Encore ? Léon. Encore et toujours tant que vous serez là, mademoiselle. Quoiqu'il fût plus juste de vous appeler pauvre, vous, toute riche que vous êtes. Mademoiselle Yolande. Ce serait assez drôle, en effet. Moi, pauvre, avec 300 000 francs de rente. Ha ha ha. Camille. Ne riez pas, ma pauvre demoiselle. Ne riez pas. Vous êtes en effet à plaindre. Léon a raison. Vous êtes pauvre de bonté, pauvre de charité, pauvre d'humilité, pauvre de raison et de sagesse. Vous voyez bien que vous n'avez pas la vraie richesse, et que si vous perdiez votre fortune, il ne vous resterait plus rien. Mademoiselle Yolande. Brrr ! Quel sermon ! Ah ça ! Mais vous êtes une famille de prêcheurs vertueux ici. On nous avait bien dit que votre mère était une folle, ainsi que... Camille. À mon tour à vous répéter, c'est trop fort, mademoiselle. Je ne souffre pas qu'on injurie maman. Viens, Léon, allons rejoindre nos amis. Que mademoiselle devienne ce qu'elle pourra avec ses brodequins de satin rose et sa robe de gaze. Et prenant la main de Léon, elle s'enfuit en courant, laissant mademoiselle Yolande dans une colère d'autant plus furieuse qu'elle ne pouvait exercer aucune vengeance. Elle se dirigea vers le château et rentra au moment où son père venait de conclure un second marché avec monsieur de Rosbourg pour son hôtel à Paris, qui lui vendait tout meublé, à peine le tiers de ce qui lui avait coûté. Monsieur de Rosbourg offrait de l'argent comptant. Monsieur Tourneboul, criblé de dettes, malgré sa fortune, en avait besoin. Une heure après, un troisième marché était conclu. Monsieur de Rosbourg achetait, au nom de Paul d'Aubert, dont il s'était fait nommer tuteur, des forêts attenantes au château et aux fermes, et qui rapportaient plus de 100 000 francs. Ainsi, demain, lui dit-il, j'irai signer les actes que vous allez faire préparer et vous porter une lettre pour mon banquier. Monsieur Tourneboul. Oui, c'est bien convenu. Mon hôtel, ma terre et la forêt. Comment, père ? Votre hôtel ? Dit mademoiselle Yolande. Et où logerons-nous ? Monsieur Tourneboul. Nous passerons l'hiver en Italie, Yolande. Mademoiselle Yolande. Est-ce que vous le saviez, mère ? Je le savais, ma fille, répondit majestueusement madame Tourneboul. Mademoiselle Yolande. Et tous vos bijoux, qu'en ferez-vous ? Madame Tourneboul. Je ne les ai plus, ma fille. Je viens de les vendre à madame de Fleurville et à madame de Rosbourg, pour mademoiselle Sophie de Réan, dite Ficini, et pour mademoiselle Marguerite de Rosbourg. Mademoiselle Yolande. Mais vous en aviez tant ? Madame Tourneboul. J'ai tout vendu, ma fille. Mademoiselle Yolande. Oh là là ! Oh là là ! Mes colliers, mes bracelets, mes chaînes, mes broches, je n'aurai plus rien, je serai donc comme une pauvresse. Madame Tourneboul, j'en achèterai d'autres, ma fille. J'ai besoin d'argent pour payer mes fournisseurs qui menacent. Je te permets de vendre aussi toute ta défroque. Tu feras ce que tu voudras de l'argent que tu en auras. Mais, pardon, mesdames, dit-elle en se tournant vers ces dames qui riaient sous cap. Je vous ennuie peut-être avec ces détails d'intérieur. Du tout, madame, répondit madame de Fleurville en riant. Cela nous amuse beaucoup, au contraire. Madame Tourneboul, vous comprenez, madame, que notre visite, étant une visite d'affaires, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud et faire le plus d'ouvrage possible. C'est pourquoi je vous offrirai encore une bonne affaire de dentelle, de cachemire, robe, mantelet, lingerie. J'en ai beaucoup. Je vous offre le tout en bloc, pour 25 000 francs, mais payez comptant. Madame de Fleurville, ses sœurs et madame de Rosbourg, après s'être consultées, acceptèrent le marché à la condition de voir auparavant ce qu'elles achetaient. Madame Tourneboul, je vous enverrai le tout dans 2 jours, mesdames, le temps de tout faire venir de Paris. Vous verrez par vous-même que je ne vous trompe pas. Presque tout est dans son œuf. Mademoiselle Yolande. Et moi donc, mère, vous vendez pour vous, et vous ne vendez rien pour moi ? Madame de Fleurville. Ce n'est pas ici que vous vendriez votre défroque, mademoiselle. Nos enfants ne font et ne feront jamais des toilettes semblables aux vôtres. Il serait donc inutile qu'elles en fissent l'achat. Mademoiselle Yolande, pleurant. C'est ça, moi je n'aurai rien. « Je ne vendrai rien !» Madame Tourneboul. « Pleure pas, mignonne. Je t'en donnerai un brin du mien. Et toi, tu vendras à Paris, aux duchesses, princesses et marquises, tes amis. » Mademoiselle Yolande. « Oui, da, de jolies duchesses et princesses meurent de faim, qui viennent chez nous pour nous gruger, emprunter de l'argent et prendre nos effets. » Madame Tourneboul. « Ne te tourmente pas, Fifi. Nous enverrons au temple, chez Mme Pipelet. » Mademoiselle Yolande. Je suis malheureuse. Madame Tourneboul. Voyons, Yo-Yo, tu n'es pas raisonnable devant ces dames. Dis donc, Georget. Se tournant vers son mari, qui terminait ses affaires avec monsieur de Rosbourg. Console la petite qui pleure mes bijoux et mes belles affaires. Monsieur Tourneboul. Qu'est-ce que t'as, Fifi? Qu'est-ce que t'as? Voyons, veux-tu déjeuner? Je t'en donnerai demain, plein tes menottes. Mademoiselle Yolande. Vous vendez tout, et moi je ne vends rien. Monsieur Tourneboul. Eh bien, faut pas pleurer pour ça, mignonne. Tu vendras. Sois gentille. À la première vente des Polonais, nous passerons tout ça, je te le promets. Et c'est toi-même qui vendras. Là, es-tu contente? Mademoiselle Yolande essuya ses petits yeux gonflés et consentit à cet arrangement.